Nous parvenons maintenant à la seconde partie de notre développement. L'art s'inspire du réel et exprime donc toujours un fond de vérité. Premier point, en effet, l'artiste a besoin de trouver dans le réel des modèles pour produire ses œuvres. Il ne part pas de rien pour créer. En effet, l'imagination humaine est incapable de produire des représentations complètement ex nihilo, c'est-à-dire complètement à partir de rien. Elle reconstruit des images à partir de ce que nous avons perçu grâce à nos sens, ou à partir des récits que nous avons pu lire ou entendre. Notre imagination est stimulée par les expériences que nous vivons. L'imaginaire, à l'origine de la création artistique, ne correspond certes pas à la vérité, comme représentation exacte des faits, mais puisque l'imaginaire prend les faits comme matériau initial, comme source d'inspiration, le produit final doit bien nous dire quelque chose de ces faits, doit bien nous dire quelque chose du réel dont il s'est inspiré. Donc l'œuvre d'art, manifestation de l'imaginaire de l'artiste, bon, certes, elle va bien être l'expression du point de vue de l'artiste sur le monde, mais elle résulte bien d'une interaction entre un individu, l'artiste, et un environnement social, historique, dont il témoigne. Elle va être donc l'expression d'une subjectivité qui s'inscrit toujours dans un contexte objectif, un contexte donc qui est lui-même indépendant de cette subjectivité, mais dont cette subjectivité cherche à rendre compte. Voilà, donc c'est-à-dire on a le lien entre d'un côté ce qui vient de l'artiste et ce qui vient du monde réel dans lequel cet artiste s'inscrit lui-même et dont il témoigne à sa façon. Par exemple, prenons le cinéma, voilà, un film de science-fiction ou bien encore un roman fantastique. Bien, aussi éloigné des faits soit-il, aussi éloigné du réel, de l'histoire effective, peuvent-ils être, et bien, ce sont toujours des reconstructions de faits réels qui nous apprennent quelque chose du monde tel qu'il est vraiment. On peut prendre l'exemple, voilà, pour reprendre l'exemple de la science-fiction, les films américains d'invasion extraterrestre des années 1950, ben en fait, ça constitue un témoignage de la crainte de propagation du communisme à l'époque du maccartisme. Voilà, les extraterrestres, c'est un peu symbolise les communistes qui envahissent la société américaine comme le craignaient certains hommes politiques de l'époque. Bon, et c'est vrai que si on prend les films de science-fiction beaucoup plus tardifs des années 90 et puis surtout des années 2000, là on a un petit peu un changement parce qu'en fait la peur c'est plus celle du communisme, c'est beaucoup plus celle du terrorisme et cette peur du terrorisme s'exprime aussi dans le cinéma de cette époque. Bon, si on prend un autre contexte, voilà, le film épique de Sergueï Eisenstein, qui était un réalisateur russe, son film épique Alexandre Nevski de 1938, c'est un film qui se déroule au temps de la Russie médiévale. Il représente la résistance des Russes face aux invasions tartares. Ben, en fait, ça s'inspire d'une certaine façon de la tension montante dans les années 30 entre l'Allemagne et l'URSS. Donc, on voit les œuvres de fiction, elles sont bien créées dans un certain contexte et elles sont une manière d'exprimer les idées, les croyances, les peurs ou les espoirs de ce contexte. C'est pour ça qu'on peut dire que eh bien, l'artiste exprime une vérité à propos de son modèle. C'est en ce sens-là. Le modèle sert à l'artiste à élaborer son œuvre. Alors, bien sûr, l'artiste va s'en inspirer tout en le modifiant. C'est en ce sens qu'Aristote, dans son ouvrage La Poétique, affirme que tout art repose sur l'imitation. Alors, oui, donc l'œuvre s'appelle poétique, ça vient du terme, ce qui a donné évidemment poésie, mais ça venait du terme poiesis en grec qui signifie la production d'un objet. En l'occurrence, production d'une œuvre. Donc, dans la poétique, Aristote s'intéresse en particulier à la dramaturgie, donc la création dans le domaine du théâtre. Donc, contrairement à Platon, Aristote considère que l'imitation, ce n'est pas une tromperie. Il va justement valoriser l'imitation. L'artiste, en effet, en imitant, ne se contente pas de faire une simple copie qui serait une version dégradée de la réalité. Il cherche au contraire à transcender son modèle. Au travers de son œuvre, l'artiste va mettre en lumière les traits essentiels de son modèle. Il va éliminer le superflu, il va garder ce qui est le plus intéressant, le plus important. Ainsi, le dramaturge va s'inspirer d'événements historiques réels pour écrire sa pièce. Mais contrairement à l'historien, lui, son but, ce n'est pas de raconter les faits avec exactitude, mais de tirer des faits, des enseignements accessibles à tous, des enseignements accessibles à ses spectateurs. Il veut en tirer un message. Il veut tirer ce qui est le plus saillant dans le réel. Bon, par exemple, pour prendre des œuvres du contexte d'Aristote, on peut appréhender aussi bien les valeurs et les mœurs de la société grecque antique en regardant une pièce de Sophocle ou d'Euripide qu'en lisant des œuvres d'histoire. Voilà, ce sont un témoignage qui peuvent être parfois plus marquants que lire une œuvre d'histoire. Et eux-mêmes, quand ils ont écrit leur pièce, bon, certes, ils ont pu s'inspirer de faits historiques réels de leur époque, mais eux, ce qu'ils ont cherché à en tirer, c'était vraiment un message important. Bon, plus près de nous, la lecture des romans de Balzac ou de Dickens, donc auteur de la première moitié du XIXe siècle, ben, ça nous offre un éclairage tout à fait saillant sur les réalités sociales pendant la Révolution industrielle, qui peuvent être tout à fait plus poignants, plus percutants pour le lecteur qu'un récit beaucoup plus neutre que va chercher à développer l'historien. Voilà, on voit que l'expression subjective, elle va être peut-être plus parlante que le récit plus objectif. Et l'intention de l'artiste, selon Aristote, c'est bien de transmettre un message fort, c'est de susciter des émotions. Dans le cas du dramaturge, il va potentiellement accentuer les personnalités des personnages, peut-être les caricaturer un peu, et se concentrer sur des moments marquants, de façon à rendre le discours plus intense. Et c'est ça qui va donner à son œuvre sa puissance et produire des effets sur le spectateur. Hein, ces derniers pourront vivre une expérience nouvelle, éprouver des passions fortes, ce que n'aurait pas permis de faire un récit purement factuel. Hein, ça, c'est un petit peu l'idée d'Aristote quand il parle de catharsis. Hein. Qu'est-ce que c'est que la catharsis? C'est la purgation des passions, c'est-à-dire que en voyant l'œuvre, je vais vivre, éprouver de façon indirecte des passions. Et ça va être en quelque sorte une libération de ses passions. Donc les spectateurs retiendront vraiment le message et pourront en tirer un enseignement pour leur vie, bien plus sûrement d'une certaine façon qu'avec un récit réaliste. Donc là on a l'idée que on a une vérité qui est transmise, mais une vérité qui n'est pas transmise via l'intellect du spectateur, c'est-à-dire c'est pas par l'intermédiaire de la retranscription exacte des faits que le spectateur lit et comprend de façon intellectuelle, l'œuvre d'art, elle va s'adresser à sa sensibilité et elle lui transmet une vérité, mais au travers d'une expérience esthétique vécue, et donc au travers de laquelle le spectateur s'identifie à des personnages, s'identifie à des situations, et donc il vit le fait, et non, au lieu plutôt de le comprendre, de l'analyser, il l'éprouve. C'est ça l'idée d'une vérité transmise par l'œuvre d'art.